Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Le 16 janvier 2023, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en première lecture, avec modification, la proposition de loi créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Le texte avait été déposé le 6 septembre 2022 et avait été adopté à l'unanimité par le Sénat, en première lecture également, le 20 octobre 2022. Alors, quel est l'essentiel de la proposition de loi? En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur conjoint, soit une hausse de 20% par rapport à 2020, et 208 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées par les services de sécurité. Pour nombre de ces victimes, quitter le domicile conjugal est impossible pour des raisons de dépendance financière, en particulier pour les femmes au foyer avec enfants. Le texte vise ainsi à soutenir les victimes de violences conjugales en leur garantissant les conditions financières nécessaires pour se mettre à l'abri et prendre, comme ils le disent, un nouveau départ. Initialement, il était prévu que ces victimes puissent demander un prêt d'urgence sans intérêt aux caisses d'allocation familiale en s'inspirant d'une expérimentation en cours dans le département du Nord. Le dispositif a été enrichi par des amendements du gouvernement et des députés. Telle qu'adoptée, la proposition de loi prévoit désormais d'octroyer une aide d'urgence aux victimes de violences commises par leur conjoint, leur partenaire de PACS ou leur concubin quand elles sont attestées, soit par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales, soit par un dépôt de plainte ou bien encore un signalement qui a été adressé au procureur de la République. Cette aide universelle prendra la forme, selon la situation financière et sociale de la victime et de la présence d'enfants, d'un prêt sans intérêt ou bien encore d'un don, une aide financière dite sans contrepartie. La demande d'aide se fera au moment du dépôt de plainte ou du signalement au parquet et sera transmise à la caisse d'allocation familiale ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole. Les services de police devront informer les victimes de la possibilité de bénéficier de cette aide lors du dépôt de plainte ou du signalement. Le montant de l'aide pourra varier suivant les besoins de la personne dans la limite de plafond qui seront définis un petit peu plus tard. L'aide, ou une partie, sera versée très rapidement. Dans les 3 jours ouvrés, et pour les victimes non allocataires, le délai pourra être de 5 jours. En sus, pendant une période de 6 mois, la victime pourra bénéficier des droits et des aides accessoires à l'allocation du revenu de solidarité active, le RSA, comme l'octroi automatique de la complémentaire santé solidaire et d'un accompagnement, bien entendu, social et professionnel. Concernant le remboursement du prêt d'urgence, il pourra être mis à la charge du conjoint, partenaire ou concubin violent dans la limite de 5 000 euros. Dans le cas contraire, la victime pourra bénéficier de remise et de réduction en fonction de sa situation, bien entendu. La proposition de loi crée, par ailleurs, une loi de programmation quinquennale portant sur la lutte contre les violences faites aux femmes qui fixeront des objectifs et des moyens financiers clairs. Ainsi, l'aide universelle d'urgence sera applicable 9 mois maximum après la promulgation de la loi, le temps de permettre aux CAF et aux caisses de la MSA de préparer sa mise en œuvre. La date sera ainsi fixée par décret. Le Sénat doit désormais examiner la proposition de loi dans une nouvelle lecture avant promulgation. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.